to know. En rodage, salut. Oh, oh, maintenant. Oh, maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, on chante du Jonas. Oh, on chante ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Je vais pouvoir bien vous jouer. Salut. Hello. Bonjour. Je vais me chauffer avec ça. J'ai dû attendre que tu m'appelles, tu n'en as jamais. Bon, qu'est-ce que vous voulez jouer? What are you want playing? Yeah. tout ça. Je vais changer d'instrument. Oh.